Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. Je suis un affreux matou qui mourra écrasé par une nuit noire dans une ruelle obscure. C'est Pier Paolo Pasolini qui a écrit cette phrase prémonitoire. Le 2 novembre 1975, au matin, son corps martyrisé a été retrouvé sur un terrain vague proche de la plage d'Ostie. Pourquoi parler à nouveau de Pasolini, cinéaste et écrivain incandescent, pitié des années de plomb, comme l'ont appelé certains? Parce que sa mort, longtemps considérée comme l'inéluctable aboutissement d'une errance homosexuelle dans les lieux les plus dangereux, ne semble plus relever du fait divers. Parce qu'on devine qu'il fallait faire taire le poète avant qu'il ne divulgue quelques secrets bien embarrassants sur les mœurs politiques de l'Italie de ces années-là, et qui annonçait ce qui adviendrait beaucoup plus tard, le berlusconisme. Et parmi ces secrets, recensés dans un chapitre de son dernier livre qui a mystérieusement disparu, il y aurait d'abord une enquête sur la mort du célèbre industriel Enrico Mattei dans le crash de son avion en 1962. Un attentat maquillé en accident. Mais Pasolini évoquait aussi dans ce texte qui a été vraisemblablement volé la disparition jamais expliquée d'un journaliste en 1970, Mauro Di Mauro, qui justement enquêtait sur la mort de Mattei et s'apprêtait à rendre publiques quelques informations explosives sur les liens entre la mafia et le monde politique. Mattei, Mauro Di Mauro, Pasolini, une chaîne de morts violentes qui serait donc liée entre elles, mais probablement une seule piste. Monsieur X ouvre à nouveau ce dossier qui reste d'une brûlante actualité puisque la justice italienne semble enfin décidée à s'y intéresser. Abbassando, abbassando, abbassando gli occhi, non mi hai detto più la verità. Ci siamo persi senza dirlo, prima del tempo nero che è venuto senza pietà, pieno di sospetti. Fragili e netti, abbassando, abbassando, abbassando le mani sulle orecchie della mia anima. Mi son detto non è vero, è uno sguardo sincero, sincero e puro come il mio pensiero perso nel parlare serio di passione. Passione mal padroneggiabile mi rende molto mobile sulle sponde del turchino spazio amabile. E volo, volo, volo con i piedi nell'acqua e un caffè nella pancia per mangiare con te. Abbassando, abbassando, abbassando valigie, dentro al porto mi sopporto un po', la mia faccia è stanco viaggio, no, non mi dà coraggio. giù di credere, credere, credere, senza domande, le parole che tu non mi puoi dire, abbassando, abbassando, abbassando la testa, mi conforto e non ci penso più, mi son detto lascia stare, è una storia popolare. E vale, vale, vale una canzone nel parlare ludico di passione, passione mal padrone già. Au départ, il y aurait donc ce livre de Pier Paolo Pasolini, un gros roman inachevé intitulé « Pétrole ». Ce n'est pas par hasard. Oui, parce que l'écrivain cinéaste entendait faire la lumière sur toutes les magouilles liées à l'industrie pétrolière. Ah, pas seulement. C'est en réalité un texte touffu, un roman testament émaillé de fulgurances poétiques, érotiques et mythologiques, où Pasolini avait l'ambition de dénoncer les turpitudes du pouvoir démocrate chrétien et la corruption des grandes sociétés industrielles italiennes. Alors, un roman à clé ? Bon, non, ce serait réducteur, mais c'est vrai que pour brosser les traits d'un des personnages de son roman, Pasolini s'est vaguement inspiré d'Enrico Mattei, l'ingénieur, comme on l'appelait. Le problème, c'est donc qu'une soixantaine de pages de ce manuscrit ont disparu. Un chapitre décisif qui aurait eu, entre autres, décrit de façon détaillée les manœuvres qui ont conduit à la mort de Mattei. Alors, il y aurait donc un rapport entre la disparition du chapitre de Pasolini et sa mort ? Et aussi avec le crash de l'avion de l'ingénieur. C'est en tout cas l'avis des amis de Pasolini qui remettent en cause la première explication de l'assassinat du cinéaste. Celle d'une rencontre homosexuelle qui se serait mal terminée. Ils ont de nombreux arguments pour le faire. Mais si vous le permettez, j'y reviendrai longuement. Auparavant, pour y voir plus clair, intéressons-nous à Enrico Mattei. Un personnage dont vous m'avez parlé il y a bien longtemps. C'est juste, c'était à l'occasion d'une série d'entretiens sur la mafia. Alors, d'abord, quelques mots sur ce personnage assez extraordinaire. Un véritable visionnaire. Un homme d'affaires atypique qui a doté son pays d'une impressionnante industrie pétrolière, qui a négocié en tête-à-tête avec les grands de ce monde et n'a jamais hésité à défier les multinationales et qui a donc pesé d'un poids conséquent sur la politique italienne. Ce dont d'ailleurs il ne s'est jamais caché. Mais alors d'où vient-il ? La véritable ascension de Mattei commence avec la libération de l'Italie. Et avant ? Il est cadre dans l'industrie chimique. Et cela croît dans un parcours politique qui le situe plutôt dans la mouvance de la gauche catholique. Il a adhéré au début des années 20 au parti fasciste. Alors, il va se racheter pendant la guerre. Oui, c'est un résistant courageux et incontesté. Et dès 1945, il occupe des fonctions officielles. Lesquelles alors ? Son activité consistait à représenter le gouvernement au sein de la société AGIP. Ça, c'est la compagnie pétrolière italienne. Une société nationale de prospection pétrolière créée par Mussolini. Mais une société malade qui a accumulé des dettes depuis sa création. Et quand Mattei arrive à l'AGIP, sa mission est claire, il faut liquider la société. Ah oui, ce qu'il va faire. Non, bien au contraire. Mattei comprend très vite qu'il est essentiel pour un pays moderne d'être indépendant en matière d'énergie. Et loin de liquider la GIP, il va au contraire la développer. Alors, contre l'avis du gouvernement. Exactement. Et donc aussi contre ses amis là, de la démocratie chrétienne. Mais Mattei n'était pas un démocrate chrétien orthodoxe. Ce qui veut dire Mattei, sans doute à cause des amitiés nouées pendant la résistance, était partisan de la constitution d'un pacte de centre-gauche. Le compromis historique déjà, c'est-à-dire l'alliance entre la démocratie chrétienne et les communistes. Non, Mattei n'allait pas jusque-là. Et il n'était pas favorable aux communistes, même si plus tard, en raison d'un accord conclu avec Moscou, en raison aussi bien de ses liens avec les pays du tiers-monde, on fera courir le bruit qu'il était pro-communiste. Ouais. Alors, on referme la parenthèse. Donc, il ne liquide pas la GIP. Même s'il la transformera plus tard, en 1953, en ENI, c'est-à-dire l'Ente Nationale Hydrocarburi. En tout cas, il constitue autour de lui une petite équipe très efficace. Et pourquoi faire, alors ? Pour chercher les hydrocarbures sur le sol italien. Donc, toujours contre la volonté du gouvernement. Mattei n'en a cure, d'autant qu'il est soutenu, au moins à titre personnel, par le président du conseil, Alcide De Gasperi. Mais il est vrai que ce travail de prospection, au début en tout cas, est quasiment clandestin. Ouais, c'est amusant, ça, à expliquer. Le gouvernement italien, au sortir de la guerre, est tout entier dans les mains des États-Unis. Et donc, dans les mains du cartel du pétrole. Et ça se vérifie presque tous les jours, alors même que le gouvernement italien refuse à Mattei des permis de prospection pétrolière. Il en accorde tant et plus aux sociétés étrangères, surtout américaines. Ouais. Alors, Mattei, en s'entêtant à trouver du pétrole en Italie, s'attaque de plein fouet au cartel. Oui, oui, le cartel, les sept sœurs, comme Mattei va les appeler, des sociétés qui n'ont pas l'habitude de faire du sentiment. La lutte devient donc de plus en plus âpre, et même carrément féroce. Ah ben, racontez alors. Grâce à ses amis politiques, et je pense surtout à Alcide De Gasperi, Mattei obtient des permis de recherche dans la vallée du Pô. Et il découvre aussi d'importants gisements de méthane. Mais dans le même temps, ses adversaires américains lui donnent le pion en Sicile, où ils obtiennent une importante concession. Mmh, en Sicile, bah, sans doute grâce à la mafia. Bon, ça, j'y viendrai. Mattei n'est pas homme à se laisser faire. Il déterre une loi datant de l'État fasciste, une loi qui proclame que le sous-sol appartient à la nation. Et il se démène tant et si bien qu'il réussit à obliger les autorités à taxer lourdement les grandes compagnies pétrolières. Il s'est donc fait, là, des ennemis irréductibles. Ah oui, d'autant que Mattei n'en reste pas là. Au fur et à mesure qu'il devient un personnage de plus en plus éminent dans son pays, il multiplie ses contacts à l'étranger. Et là encore, la cible, c'est le cartel international du pétrole. Mmh. Et quelles sont ses véritables intentions, alors? Mais il va en finir avec le monopole imposé de fait par le cartel des sept sœurs dans le monde entier, à l'exception des pays socialistes. Et il se mue en pèlerin. Il visite les pays du tiers-monde qui disposent de ressources pétrolières. Et il leur dit, débarrassez-vous de la tutelle anglo-saxonne, soyez les maîtres chez vous, cessez de vous faire exploiter. Et faites des affaires avec moi, j'imagine. Ah, bien sûr, Mattei n'est quand même pas tout à fait un philanthrope. Il pense aussi à son empire industriel. Ouais, un empire nationalisé quand même, il faut le dire. Et ça marche alors? Oui, oui, très bien. Mattei commence par l'Iran. Oui, c'est-à-dire après la tentative de Mossadegh qui voulait lui aussi libérer son pays de la tutelle pétrolière anglo-saxonne. Et alors que le Shah a été replacé sur le trône par la CIA. Oui. Est-ce que Mattei va réussir à s'introduire en Iran? Eh bien, contre toute attente, oui. Oui, parce qu'il est plus généreux que les anglo-américains et laisse 75% de royalties aux Iraniens. Ouais, parce qu'il doit déclencher la fureur à nouveau là, des sept sœurs. Ben forcément. Et ce n'est qu'un début. Car après l'Iran, Mattei se rend chez Nasser, puis au Maroc, en Turquie, en Yougoslavie, au Koweït, mais aussi en Amérique du Sud. Et partout, Mattei conclut des accords. Mmh, une vraie déclaration de guerre là, contre le cartel. Et l'Occident. Car les dirigeants de ces pays du tiers-monde l'écoutent. Et bientôt, je vous l'ai dit, Mattei va faire affaire avec les soviétiques, au début des années 60. Un énorme contrat. Cette fois, la coupe est pleine. Alors, vous insinuez là clairement que ces grands pétroliers anglo-saxons auraient pu avoir éliminé Mattei? Ah ben, l'envie ne leur manquait certainement pas. Mais l'ingénieur avait aussi d'autres ennemis. Et ici, il me faut bien parler de la France. Ah oui, je me souviens là. Ce qu'on en avait parlé autrefois, là, le pétrole saharien. Exactement. Ouais. Les services secrets le soupçonnaient d'aider le FLN à se procurer des armes. Oui, à cause du pétrole. Oh, pas seulement. Je crois que le catholique de gauche, Mattei, était sincèrement favorable à l'émancipation de l'Algérie. Il a d'ailleurs constamment manifesté son attachement aux luttes de libération nationale dans le monde entier. Mais c'est vrai qu'en aidant le FLN, Mattei pensait au pétrole saharien. Dans la perspective inéluctable de la victoire des Algériens, il voulait pouvoir participer à la prospection pétrolière. Ouais. Est-ce que les services français avaient la certitude absolue que Mattei était en cheville avec les Algériens? Oui. Ils avaient même découvert qu'un contrat secret en bonne et due forme avait été établi. Et ça ne pouvait que mécontenter la France. Oh bah doublement, Mattei nous gênait en tant que fournisseur d'armes au FLN, et surtout, il risquait de marcher sur nos brisées au Sahara. Or, le général de Gaulle avait exigé, au moment de la signature des accords d'Évian, que la France bénéficie d'un droit de préférence pour les sociétés françaises dans la distribution des permis de recherche et d'exploitation pendant au moins 6 ans. C'est-à-dire que nous n'entendions pas abandonner ce pactole pétrolier. Un pactole que menaçait un homme comme Mattei. en savoir plus sur Enrico Mattei, je vous propose deux éclairages. D'abord, celui-ci sur sa vie privée dans un ouvrage de Jacques Delaunay. Il se contente d'un salaire modeste. Ses revenus importants, il les donne aux œuvres et notamment pour les jeunes handicapés. Il se souvient de son enfance pauvre. À dîner avec des amis, il mange peu et vite s'ennuie, puis se sauve après une heure. Il ne fume pas, ne boit pas de vin, mange presque toujours les mêmes mets. Il s'habille sobrement et mène une vie d'ascète. Son seul amour, c'est le pétrole. Deuxième éclairage, celui du journaliste et homme politique Gilles Martinet. Toutes les entreprises de l'ENI ont pour principal ou pour unique actionnaire l'État. Mattei en est simplement le président nommé par le gouvernement. Mais la vérité est que personne ne contrôle Mattei, alors que celui-ci étend peu à peu son emprise sur le monde politique. Sa puissance économique lui en donne les moyens. Sachant que les dirigeants de la démocratie chrétienne désirent ne plus dépendre entièrement des ressources que leur procure la grande industrie privée, il leur propose de les financer avec ses propres disponibilités qui sont, en principe, celles de l'État. Bientôt, il fera la même offre aux autres formations politiques. Enrico Mattei devient le grand corrupteur de la société italienne. À votre connaissance, est-ce que les services secrets français portent une responsabilité dans la mort de Mattei ? Non, mais je sais qu'au SDEC, on a pensé tenter quelque chose contre lui. Essentiellement parce qu'il aidait le FLN à acquérir des armes. Mais je vous rappelle qu'il est mort en octobre 1962. Oui, c'est-à-dire un moment où la guerre d'Algérie était terminée depuis plusieurs mois. De la même façon, on peut éliminer l'OAS que certains ont soupçonné d'avoir perpétré l'assassinat de Mattei. En octobre 1962, l'organisation terroriste déjà mal en point avait d'autres chats à fouetter. Mais alors qui le cartel des Sept Sœurs, là, ou la mafia que vous avez brièvement évoquée tout à l'heure? Ou une conjonction d'intérêts où l'on peut déjà deviner les prémices de cette sombre coalition qui sera à l'origine de ce que l'on nommera un peu plus tard les années de plomb. On va voir ça de plus près. Auparavant, même si nous en avons déjà parlé autrefois, je voudrais revenir sur les circonstances dans lesquelles l'industriel a trouvé la mort le 27 octobre 1962, près de Milan. Oui, il revenait de Sicile, hein. Et c'est une raison supplémentaire pour laquelle on a aussi mis en cause la mafia. Alors, les faits, à 18h50, très précise, le bi-réacteur Moran Saulnier, 760 de l'ENI, entre en contact radio avec la tour de contrôle de l'aéroport de Milan-Linate. À bord de l'avion se trouve donc Enrico Mattei et un journaliste du Time Magazine l'accompagne. Et qui est le pilote là ? C'est le major Bertucci, l'un des meilleurs aviateurs d'Italie. Ancien pilote de chasse, plusieurs fois cité et décoré, il a travaillé à l'Italia avant d'être engagé par Mattei, qui lui a confié la responsabilité du parc aéronautique de l'ENI. Alors, je reprends. Au cours de ce contact radio, Bertucci donne son altitude, 16 000 pieds. Le contrôleur aérien lui annonce que la visibilité au sol est de 1400 mètres. Puis il demande « Comptez-vous atterrir directement ?» La réponse de Bertucci est étrange. « Éventuellement. » Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Le pilote pense-t-il retarder son atterrissage ou a-t-il l'intention de gagner un autre aéroport en raison de la mauvaise visibilité ? Impossible de répondre. Mais 5 minutes plus tard, le major Bertucci rappelle la tour de contrôle de Milan. Il annonce qu'il vole maintenant à 2000 pieds et qu'il va se présenter sur la piste dans une minute et demie. Le contrôle aérien lui donne le feu vert, puis c'est le silence. Ouais. L'appareil s'est crashé. Oui. 2 heures plus tard, les paysans alertent les carabiniers. Un avion s'est abattu dans un champ à une dizaine de kilomètres de l'aéroport aux environs de 19 heures. Le Moran Saulnier, car il s'agit bien sûr de l'appareil d'Enrico Mattei, aurait fait plusieurs virages avant de s'écraser. Des témoins affirment qu'il était en feu. Enfin, on sait que dans ce genre de situation, les témoins confondent souvent l'avion en feu avec la boule de feu qui monte dans le ciel au moment du crash. Et bien sûr, il n'y a pas de survivant. Très vite, en raison de la personnalité de Mattei, des intérêts qu'il représente et des hostilités qu'il a suscitées, on évoque la possibilité d'un attentat. Mais à l'époque, on ne pourra jamais en apporter la preuve, même si nombreux sont les gens qui doutent. Car il y a quand même plusieurs bizarreries. Ah ben quoi, par exemple, énoncer ? Eh ben, d'après tous ces documents que j'ai pu lire et toutes les informations que j'ai recueillies ici ou là, il semble bien que le pilote ait hésité avant d'entreprendre les manœuvres d'atterrissage. Ah, des difficultés peut-être. Ben, sans doute, mais lesquelles ? Ben, la météo. C'est vrai que le temps était exécrable, mais le pilote avait vu bien pire. Mmh. Alors, une difficulté mécanique ? Tout est possible. Mais voyez-vous, ce qui est étonnant, c'est que ce pilote, très expérimenté, je le rappelle, n'a rien dit à la tour de contrôle. Or, s'il avait eu un sérieux problème mécanique, comme par exemple l'impossibilité de sortir le train d'atterrissage, son premier réflexe aurait été d'avertir le contrôleur aérien qu'il avait déjà eu en ligne, afin que les services de sécurité de l'aéroport se mettent en alerte. Ouais, logique, hein. Or, il n'en a rien fait. Alors, revenons à cette hésitation-là. Vous avez une explication ? Oui. Elle est toute simple, hein. Le temps est mauvais, je vous le rappelle. Mais Bertucci est prudent. Donc, il décide de tourner un peu avant de juger par lui-même de la situation météorologique aux abords de l'aérodrome. Ouais. D'accord, mais ça n'explique pas l'accident. Attendez, je vous le rappelle, 5 minutes après son premier contact, Bertucci rappelle la tour de contrôle. Ouais, et là, il annonce qu'il est à 1 minute et demie de la piste. 1 minute et demie, ça représente à peu près 2000 nautiques, c'est-à-dire 3 kilomètres. Or, on retrouvera l'avion crashé à 10 km. Ça ne vous paraît pas étrange ? Oh, moi, je ne suis pas un spécialiste comme vous. Hein. Bon, je vous en prie. Alors, expliquez-moi ce qui s'est passé. Je crois qu'il n'y a qu'une explication. C'est que la balise au sol, la balise d'approche, lui a fourni de fausses données. Et le pilote ne s'en serait pas aperçu ? Non, impossible, non. Et les contrôleurs aériens Pas tout de suite. Ah bon, et qu'en déduisez-vous alors ? Je pense à un sabotage, mais un sabotage qui a dû être bref. Je comprends pas. C'est pourtant malheureusement simple. Il suffit de placer une forte source de rayonnement magnétique à proximité de la balise. Celle-ci envoie alors à l'avion des informations fausses. Et à l'époque, c'était possible. Ah bon, parce que ça ne l'est plus. Bah non, avec les systèmes modernes ILS, un tel sabotage n'est plus réalisable. C'est rassurant. Donc si je vous suis bien, là, lorsque Bertuzzi annonce qu'il se trouve à 1 minute et demie de la piste, en fait, il se trouve beaucoup plus loin. Exactement. Et le crash est inévitable, parce que ce qu'il prend pour la piste, c'est en réalité un champ entouré d'arbres. Ouais. Et à cause des mauvaises conditions météo, on y voyait très mal. Dernière précision. Bertucci croyait bien atterrir sur la piste, puisqu'il a été établi que le Morane Saunier avait sorti son train d'atterrissage. Et vous dites là que le sabotage de la balise, s'il y a eu sabotage, a été bref. Mais pour brouiller celle-ci, il fallait être averti de l'approche de l'avion de Mattei. Enfantin. Un plan de vol avait été déposé. Donc les auteurs de l'attentat savaient à peu près l'heure d'arrivée du Morane Saunier. Mais ce n'était pas suffisant parce qu'il était trop risqué de brouiller durablement la balise. Ouais, pour ne pas se faire repérer, j'imagine. Mais surtout pour ne pas provoquer d'autres catastrophes aériennes. Alors, mais à votre avis, là, comment les saboteurs ont-ils procédé ? Eh bien, il leur suffisait de disposer d'un complice dans la tour de contrôle. Un complice qui a averti ses compères par radio ou talkie-walkie dès que le pilote est entré en contact avec les contrôleurs aériens, quelques minutes avant l'atterrissage prévu à Milan-Linate. Mais ce n'est qu'une hypothèse, hein, vous n'avez pas de preuves. C'est vrai, mais cette hypothèse permet de répondre à toutes les questions que pose ce mystérieux accident. Tenez, je vais même aller au-devant de vos interrogations. On a dit n'importe quoi après la mort de Mattei, et en particulier ceci. L'ingénieur aurait eu pour habitude de demander à son pilote de ne prendre que la quantité de carburant nécessaire. Pour quelle raison, là ? Ça, je ne le sais pas. Et on a prétendu qu'à cause de cette manie, il aurait frôlé la mort à 3 reprises. Son avion arrivant à terme à la limite de la panne de carburant. Mais ça ne paraît pas très sérieux, non. Je suis à peu près sûr qu'il y a eu attentat. Avec X, Patrick Pénaud sur France Inter. Avant d'écouter la suite de cet entretien, bref retour sur les hommes ou les organisations qui avaient intérêt à liquider Enrico Mattei. Et dans cette liste, on trouve presque inévitablement la CIA, en raison de la proximité traditionnelle des compagnies pétrolières avec le gouvernement américain. Explication sur un blog intitulé « En regardant par la fenêtre », édité en 2010. La CIA avait aussi une autre raison d'éliminer Mattei. Nous sommes en pleine guerre froide, au moment de la crise des missiles de Cuba. Et Mattei avait rompu l'embargo politique de la Russie en établissant une ligne commerciale. On peut noter aussi que peu avant l'attentat, les USA avaient condamné l'attitude de l'Italie qui, soi-disant, n'était pas loyale et ne respectait pas ses engagements de l'Alliance Atlantique. De plus, à cette époque, les États-Unis craignaient que l'Italie ne bascule dans le bloc communiste. Mais, plus loin dans ce même texte, l'auteur écrit « On a aussi parlé de mouvances internes à l'État italien. En 1962, Enrico Mattei était le pouvoir. Il représentait un État dans l'État, ce qui forcément limitait le pouvoir des membres du gouvernement, des élus, mais aussi des autres centres de pouvoir moins institutionnels très présents en Italie. » Si votre hypothèse là, au sujet de l'attentat et de son mode opératoire est vraie, alors qui pourrait avoir perpétré une action aussi sophistiquée? Il faut un cerveau derrière. Et vous allez me dire que ce genre d'action ne ressemble pas au crime de la mafia qui utilise plutôt le fusil à canoncier, la mitraillette ou l'explosif. C'est vrai. Mais une fois le système mis au point, les commanditaires n'avaient plus besoin que d'hommes de main. Et pourquoi pas des tueurs de la mafia? Car l'organisation criminelle aussi voulait se débarrasser de Mattei. Alors, expliquez-moi pour quelle raison. Bon, ben alors, puisque vous le voulez, je vous explique. L'ingénieur s'intéressait beaucoup à la Sicile où une compagnie américaine, la Gulf Oil, si je me souviens bien, avait déjà obtenu une importante concession. Et Mattei veut avoir une part du gâteau pour les Nils. Ah, évidemment. Mmh. Mais pour opérer en Sicile, il faut nécessairement faire ami-ami avec les puissances locales. Et donc avec la mafia. Oui, et l'homme clé dans cette affaire s'appelle Vito Guaracci. Ouais, qui est celui-là là? Un avocat et politicien sicilien, un proche du parrain local, Don Calogero Vidini, et de son successeur, Russo. A noter aussi que ce Guaracci entretient des liens très étroits avec les représentants de la CIA. En fait, l'avocat tire les ficelles de la vie politique sicilienne, et Mattei est obligé d'en passer par lui. Et ce Guaracci là, lui obtient ce qu'il désire, hein? Naturellement. Le Hénis se voit accorder un permis de recherche sur un demi-million d'hectares. Et pour le remercier, Mattei en fait l'un de ses conseillers. Et l'intérêt de la mafia dans tout cela, alors? Oh, très simple. Guaracci a été le premier à connaître le site du futur complexe pétrolier que Mattei voulait établir en Sicile. Bah, il lui a suffi d'informer ses amis de la mafia. Ceux-ci ont aussitôt acheté les terrains et les ont revendus à l'ENI en faisant un énorme bénéfice. Mmh, ouais, ça c'est rien que du très classique. Hein. Mais alors, quand est-ce que ça s'est gâté? Bah, j'y viens. La Cosa Nostra, la mafia nord-américaine, désireuse de placer son argent ou de le blanchir, lorgne aussi sur le pétrole sicilien. Des émissaires se rendent dans leur île natale et ils demandent à avoir leur part du gâteau. Il rencontre en particulier Lucky Luciano et le parrain local. Et bien sûr, eux aussi vont s'entendre conseiller d'aller voir votre Guaracci. Et vous avez deviné. Mais c'est compliqué. Guaracci, même s'il est très lié à la mafia, est aussi le conseiller de Mattei. Et ce dernier n'entend pas céder un seul pouce de terrain à un concurrent éventuel. Que se passe-t-il? Franchement, bah, je ne connais pas tous les détails, mais je crois que Guaracci, qui était très malin, a essayé de biaiser. Oui, de jouer sur les deux tableaux. Et il a proposé à ses amis mafiosi, plutôt que de se poser en concurrent, d'entrer dans le LENI. Oui, entrer dans le LENI, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire l'infiltrer, y faire embaucher des hommes d'influence, prendre des participations dans ses filiales. Et ça, croyez-moi, c'était assez malin. Mais c'était sans compter avec Mattei, qui avait les yeux bien ouverts et qui a compris assez vite ce que mijotait son conseiller Guaracci. Et comment a-t-il réagi, hein? Bon, en le virant, purement et simplement. C'était quelques mois avant la mort d'Enrico Mattei dans ce mystérieux accident d'avion. Donc pour vous, Mattei a été assassiné par la mafia? En tout cas, la mafia joue un rôle au sein d'une conspiration beaucoup plus large, ne serait-ce qu'en fournissant des hommes de main. Cette conspiration, alors? Bon, encore un peu de patience, si vous voulez bien. D'accord, mais enfin, j'observe que sur l'implication de la mafia, vous ne pouvez pas non plus apporter de preuves. Alors, expliquez-moi, pourquoi le journaliste Mauro Di Mauro a disparu en Sicile en 1970 alors qu'il enquêtait en particulier sur la mort d'Enrico Mattei à la demande du grand metteur en scène Francesco Rossi qui voulait réaliser un film sur l'ingénieur. Et qui l'a fait d'ailleurs. Et on n'a jamais retrouvé le journaliste, hein, c'est ça. Ça c'est bien dans la manière de la mafia qui avait l'habitude de plonger les cadavres de ses victimes dans un bain d'acide. Une façon radicale d'effacer toutes les traces. Un mot sur ce journaliste-là. Mauro Di Mauro, après avoir été fasciste, a même participé à la parenthèse pitoyable de la République de Salo. Ça, c'est l'état fantoche de Mussolini créé après sa libération par Skorzeny hein, en 1943. C'est ça, une mini-république entièrement sous la coupe des Allemands et qui tombera en avril 1945. Un épisode très important dans le destin de Mauro Di Mauro, c'est sans doute à Salo que le journaliste a retrouvé l'un de ses amis d'enfance, le ténébreux prince Valerio Junio Borghese, le prince noir, comme on l'a appelé. Un fasciste, lui aussi. Et un collaborateur très actif des nazis, oui. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, à la tête de son escadron, il a pourchassé des résistants italiens et torturé pour le compte de la Gestapo. Cependant, après la guerre, les deux amis d'enfance suivent des voies différentes. Mauro Di Mauro se rapproche du Parti communiste et va même écrire dans ses journaux, tandis que Borghese, lui, ne cessera de comploter avec l'extrême droite contre les institutions de la République. Et c'est l'une des clés de cette affaire. Je veux bien, mais ne s'éloigne-t-on pas de la mafia, là? Ah bah pas du tout. En 1970, Mauro Di Mauro enquête donc sur la mort de Mattei. Et quelques jours avant de disparaître, en septembre 1970, le journaliste confie à des amis qui détient une information exceptionnelle sur l'assassinat de Mattei. Avant de développer ce dernier point-là, j'imagine que la justice italienne a enquêté sur la disparition de ce journaliste. Et cette enquête a été confiée au procureur Scaglione, un curieux personnage. Et pourquoi ça? Il était notoirement connu que c'était un magistrat lié à la mafia. Alors, on ne pouvait pas trouver mieux, non? Eh oui, sauf que ce procureur avait rompu avec ses anciens amis. Ah bon, la mafia, alors, expliquez. Eh bien, un an ou deux avant la disparition de Mauro Di Mauro, le procureur Scaglione a comparu devant ses pairs. Que lui reprochait-on là? Bon, il semblait qu'il avait favorisé la fuite d'un important chef mafieux. Et ensuite, qu'est-il arrivé à ce magistrat? Bon, on l'a envoyé dans un trou perdu et ça l'a vexé. Il n'a pas compris que ses relations de la mafia n'aient pas intercédé en sa faveur en haut lieu. Et du même coup, quand on lui a confié le dossier Mauro Di Mauro, ben, il a décidé de faire du zèle. Quoi? Et de mettre en cause la mafia? Et son homme lige, l'avocat Vito Guarazzi. Deux mois plus tard, il était mort, criblé de balles dans sa voiture. Alors, pensez-vous encore que la mafia n'avait rien à faire avec toute cette affaire? Et cette information exceptionnelle, alors, qu'aurait découverte Mauro Di Mauro? Je crois que le journaliste a vraiment percé le secret de la conspiration que je vous annonçais un peu plus tôt. Bah, il fallait donc l'éliminer au plus vite, parce que le temps pressait. C'est-à-dire? Bon, permettez d'abord que je fasse un petit retour en arrière. Un an plus tôt, en décembre 1969, une bombe éclate Piazza Fontana à Milan. Bilan, 16 morts et des dizaines de blessés. En même temps, trois autres bombes explosent à Rome. C'est le vrai début de ce que l'on va appeler les années de plomb. La mise en œuvre de la stratégie, de la tension. Oui, c'est-à-dire la conjonction d'actes violents et même terroristes, hein, perpétrés à la fois par l'extrême droite et l'extrême gauche. Cette dernière ayant sans doute été parfois manipulée. Le but, c'est clairement de déstabiliser la démocratie italienne et de la remplacer par un pouvoir fort et autoritaire. Or, justement, trois mois après la disparition de Mauro Di Mauro, au début décembre 1970, le prince noir tente un putsch. Et on le sait aujourd'hui, l'affaire était sérieuse et mobilisait des milliers de militaires et de membres des forces de l'ordre. Oui, mais le putsch a avorté. Oui, alors qu'en pleine nuit, les commandos de Borghese étaient déjà en marche pour s'emparer des principaux points stratégiques du pays, il y a eu un contre-ordre. Et j'avoue que je ne sais pas pourquoi, parce que au moins, du point de vue des putschistes, le coup d'État était bien parti pour réussir. Et c'est ce secret, alors, la préparation du putsch que Mauro Di Mauro avait percé? Ben, je le pense. Et n'oubliez pas que Borghese était son ami. Il a pu lui faire des confidences. Et je pense que le journaliste avait aussi approché une information encore plus considérable. Ah, quoi encore? Ben, l'existence d'une véritable pieuvre qui avaient infiltré des secteurs entiers de la société italienne. À commencer, bien sûr, par les organismes de sécurité, police, armée, services secrets, mais aussi quelques grandes entreprises du pays qui finançaient l'organisation. Mais c'est de la loge P2 dont vous voulez parler. Exactement. Une loge pseudo-maçonnique qui regroupait la fine fleur des élites conservatrices de l'Italie et qui travaillait à réaliser la prise du pouvoir. En liaison avec l'organisation atlantiste et contre-terroriste Gladio. Et quelques agents de la CIA, oui. Mais aussi avec le soutien matériel de la mafia, de certains prélats et d'éminents personnages de la démocratie chrétienne. C'était là le vrai cerveau qui avait élaboré cette stratégie de la tension qui devait aboutir à la déliquescence de l'État italien. Oui, d'accord, mais alors Mattei dans tout ça? L'ingénieur gênait, car en aucun cas il n'aurait accepté de mettre à la disposition des comploteurs l'extraordinaire puissance financière de son empire industriel. Un pouvoir aussi médiatique, car à travers le ENI, Mattei avait aussi acheté des journaux. Mais ce qu'ignorait sans doute Mattei, c'est que le véritable cerveau de la loge P2 était levé au sein même de son entreprise. Pourquoi ça? Alors, c'était pas Lucio Gelli, là, qu'on a présenté souvent comme le grand maître, hein? Non, c'était le numéro 2 de l'ENI, Eugenio Cefis, le vice-président de Mattei. Et ce dernier, alors, Mattei, ne soupçonnait rien? Quelques faits lui ont sans doute mis la puce à l'oreille, car au cours de l'année 1962... L'année de la mort de Mattei, donc. Oui, ouais. Celui-ci, donc, s'est querellé avec son adjoint, et il l'a même provisoirement écarté. Et ensuite, alors, après la mort de Mattei, ses fils lui a succédé? Naturellement. C'était bien l'objectif poursuivi par les comploteurs. Ses fils au pouvoir, au sommet de l'ENI, c'était la loge P2 qui allait diriger de fait l'empire de Mattei. Et pour revenir au début de notre entretien, il est très probable que Pasolini, après Mauro di Mauro, avait compris, lui aussi. Et c'était sans doute le principal thème du chapitre disparu de son roman « Pétrole ». Mais si vous le voulez bien, j'y reviens la semaine prochaine, car des éléments nouveaux sont apparus quant aux circonstances de l'assassinat de Pasolini en 1975. Un livre pour finir, un roman très troublant de Simonetta Greggio, Dolce Vita, qui met en scène les principaux événements des années de plomb en Italie à travers la vie d'un aristocrate qui aurait pu être le prince noir.